Manamana. Les productions Menoum sont fiers de vous présenter les menus Menoum du Tam Tam Café. Tous les troisièmes mercredis du mois, c'est un micro ouvert et c'est gratuit. Ce mercredi 16 avril, nous vous offrons Marie-Pierre Labbé. You make a poem out of every move, smoothly bending. Mercredi 16 avril, dès 20h, au Tam Tam Café, 421 Boulevard Langelier. What can I do? Menoum. CKRL, écoute. Bringing pee and bringing love, bringing dreams. Bringing words, bringing war, bringing screams. See a man drawing a pool of fucking water. What you for do? Alors, bonsoir et bienvenue à Web Musique. C'est Simon Roy qui est avec vous. De retour d'une courte pause la semaine passée. Ben oui, Web Musique n'avait pas lieu. On tentait de se remettre du radioton. J'étais ici pour la mise en onde samedi. Je peux vous dire que c'était tout un party. Je vous remercie pour avoir donné généreusement. On a dépassé notre objectif de 35 000 $. On a ramassé un beau 37 000. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Ce soir, je vous présente encore une fois de la musique gratuite. Pour pouvoir y accéder, ben, vous vous rendez sur le blog de l'émission qui est au www.webmusique.org. Web s'écrit O-U-E-B-E. Là-dessus, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez la playlist de l'émission. On débute avec une étiquette qui nous vient de l'Espagne, l'étiquette Parafuso Music, une étiquette vraiment intéressante qui donne dans l'électronique, le minimal, le house. C'est assez varié, une étiquette vraiment intéressante. Donc on débute avec Mechanica Celeste, la pièce Delta. Ça va être suivi par Ivan Oliveira avec la pièce Full of Culture. Vous écoutez Web Music. Thank you. Thank you. excusez-moi, ça finit quand même assez vite. C'était Ivan Oliveira avec la pièce Full of Culture. Avant ça, ben, c'était Mecánica Celeste avec leur pièce Delta. Deux artistes qui sont sur l'étiquette espagnole Parafuso Music, une étiquette vraiment intéressante. On poursuit avec d'autres artistes qui sont sur la même étiquette. On va écouter tout d'abord Daniel Banker avec sa pièce Business Freak. Ça va être suivi par Noé Pré, la pièce Béchamel numéro 5.

Thank you. C'était la pièce Polaris par Sound Sculpture Project, un artiste qui est sur l'étiquette espagnole Parafuso Music. On poursuit avec d'autres artistes qui sont sur la même étiquette. On va entendre tout d'abord Frank Rodriguez avec Relation Complicadas. Ça va être suivi par Cable avec la pièce Sphère. Je vous rappelle que ce que vous entendez ce soir, ben, c'est absolument impossible à trouver en magasin. Donc, la seule façon, ben, c'est de se rendre sur le blog de l'émission qui est au www.webmusique.org. Le web s'écrit O-U-E-B-E. Donc, je vous invite à venir faire une petite visite sur le blog. On débute tout de suite avec Frank Rodriguez. Thank you.